toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 pour l'émission Les bons plans solidaires, préparée par le groupe Solidaire Actif de l'association Arélia. Alors aujourd'hui, on a plein de bons sujets, plein de bonnes choses. Le soleil est revenu sur notre région, donc on va en profiter pour sortir. Tous les chroniqueurs ont bien travaillé. Bonjour Khalidja. Bonjour Lionel. Bonjour Alain. Bonjour Lionel. Bonjour Françoise. Bonjour Lionel. Voilà, alors les chroniqueurs sont prêts. On va démarrer tout de suite. La première chronique, c'est Khalidja qui va nous parler de la Foire Expo de Nancy. À toi. Oui Lionel, aujourd'hui on va parler de la Foire d'Expo de Nancy qui aura lieu le 1er juin. Alors, vous êtes à la recherche d'une expérience inoubliable pour débuter le mois de juin en beauté. Ne cherchez pas plus loin. La Foire d'Expo de Nancy vous ouvre ses portes pour sa 88e édition, du 1er au 9 juin 2024, au Parc Expo de Nancy. Préparez-vous à vivre 9 jours de festivités exceptionnelles, avec un programme riche et en animations variées. Cette année, la Foire Expo vous transporte vers les Caraïbes avec l'exposition événement Trésors des Caraïbes, une plongée captivante dans la culture et les trésors dans cette région éventante. Mais ce n'est pas tout. Voici un aperçu de temps fort qui vous attend lors de cette édition. Tout d'abord, le concert d'ouverture avec l'incomparable Yannick Noah. Rendez-vous le samedi 1er juin pour une soirée inédiable au son de ses plus grands succès. Réservez dès maintenant vos places sur le site officiel de la Foire Expo. Préparez-vous à en prendre plein les yeux avec deux spectacles de drones inédits dans la région. Un spectacle à couper le souffle vous attend. Ne manquez pas le show incroyable de Cabaret et Lola et plongez dans un univers de furie et de glamour. Un spectacle qui promet de merveiller petits et grands, amateurs de musique country. Riche Wissoufou, la soirée country avec le groupe Dixax vous transportera au cœur de l'Amérique profonde pour une ambiance festivité garantie. 10 surprises vous attendent tout au long de la Foire Expo, avec notamment un salon vintage, un défilé coiffure, un karaoké géant et bien plus encore. Pour découvrir le programme complet et ne rien manquer de cet événement incontournable, rendez-vous sur le site officiel de la Foire Expo de Nancy. Lien de la description de cette émission. Préparez-vous à vivre 9 jours d'émerveillement et divertissement à la Foire Expo de Nancy. Réservez vos places dès maintenant. Profitez également des bons plans et des offres spéciales, comme la journée du 7 juin, où l'entrée sera seulement à 1 euro. Le 3 juin, pour les hommes, gratuit. Et pour les femmes, le 5 juin. Également gratuit et pour les seniors, ça sera le 4 et le 6 juin. Les demandeurs d'emploi bénéficieront d'un tarif réduit de 2 euros sur présentation d'une attestation de l'Agence pour l'emploi. Pour le concert de Yannick Noah, les billets sont disponibles en ligne ou à l'entrée de parc d'exposition au prix de 29 euros. Merci. Merci Khalidja. Alors oui, hein, les bons plans, les journées gratuites pour les femmes, la journée gratuite pour les hommes, les deux journées gratuites pour les seniors et pour les demandeurs d'emploi, mais aussi les allocataires du RSA. Sur présentation de votre inscription à Pôle emploi, vous avez des billets réduits à 2 euros. Merci Khalidja. Je vous en prie. Et bien maintenant, c'est au tour de retrouver Françoise. Alors Françoise, tu vas nous faire un peu d'auto-promo aujourd'hui, puisque tu vas nous parler de l'été du GSA. C'est à toi. Bonjour à tous. Le groupe Solidaire Actif va organiser son 14e été du GSA, où se déroulera de nombreuses actions participatives, des participations à des manifestations locales qui se dérouleront cet été. Le GSA est ouvert à toute personne allocataire du RSA aussi. Il est temps de venir nous rejoindre. Les temps forts de l'été seront une journée à la Mutch, en Moselle, pour découvrir des sports nautiques, une journée au lac de Der, une journée détente à Thermapoly, à Amnéville. Le GSA participera aussi à différentes manifestations organisées par des associations partenaires, la MGC Nomade dans le cadre de l'été sous le chapiteau à Vendeuve avec l'association Réponse, la journée bien-être au parc Roupouille. GSA a aussi prévu un séjour de 3 jours dans les Vosges. Nous allons aussi organiser un grand concours de pétanque Nous avons enfin un projet pour partir une semaine au bord de la mer. À travers cette opération, si on allait voir la mer. En conclusion, vous êtes allocataire du RSA. Venez vite nous rejoindre en contactant Lionel, le coordinateur. 06 42 07 48 78. Eh bien, merci Françoise pour cette chronique et pour ce rappel de la manifestation de l'été au GSA. Il est temps déjà de passer à notre première pause musicale. On va écouter Julien Granel dans sa chanson Plus fort. Allez, tous debout, on danse. Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie, c'est à sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête. Cette belle chanson qui met l'ambiance. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission Les bons plans solidaires. Cette fois-ci, on va rejoindre Alain. Alain nous avait parlé il y a deux mois du projet du jardin à l'assiette. Alors depuis, il s'est passé plein de choses. Il va nous tenir au courant de tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. À toi, Alain. Comme je vous l'avais proposé il y a deux mois, je viens vous tenir au courant du projet auquel je participe, qui se trouve à l'Axou, sans le bœuf, avec le lopin de Léo, et qui s'appelle « Du jardin à l'assiette ». Ce projet se poursuit bien. J'y vais régulièrement, nous avons commencé les travaux du jardinage. Nous avons partagé le terrain en plusieurs parcelles. Nous avons enlevé les mauvaises herbes qui partent à notre compost et les cailloux que l'on stocke au fond du jardin. Avant de retourner le terrain, une autre équipe a commencé à mettre en godet dans la serre des pieds de tomates et d'autres légumes dont nous aurons besoin avant d'ici fin mai. De les planter en pleine terre, La terre étant dure, nous avons dû bêcher fort, aussi en raison des fortes pluies qui ont fait que l'eau a du mal à s'infiltrer. Espérons avoir le beau temps avec un peu de pluie pour que les semences puissent bien se développer. Activité a lieu 2 à 3 fois par semaine. Nous vous tiendrons au courant à l'avance des travaux dans notre prochaine émission. À bientôt les petits jardiniers. Merci Alain. Alors on suivra cette nouvel épisode du projet avec le Lopin de Léo à Maxéville. On se retrouve maintenant avec Françoise, la quatrième chronique, qui va nous parler des sorties prévues ces prochaines semaines sur Nancy et Vendeuvre. À toi, Françoise. Oh, bonjour. Je vais vous donner quelques infos des prochaines manifestations culturelles sur l'agglomération. Les 18 et 19 mai ont lieu à la pépinière à Nancy, les 24 heures de Stan. La célèbre course de caisse à savon poussée par les différentes écoles d'ingénieurs de Nancy. C'est gratuit, il y a des concerts, plein de petits stands qui n'attendent que votre venue, et même si vous voulez leur donner un coup de main. Le 22 mai à 17h, à la médiathèque Jules Verne de Vendeuve, aura lieu l'heure musicale. Ce sont des moments musicaux proposés par l'école de musique de Vendeuvre. L'entrée est gratuite et vous pourrez passer un petit moment super sympa qui vous fera aussi découvrir toutes les activités de la médiathèque. Tu as encore des infos à nous donner, François? Oui, j'en ai encore. Du 23 au 26 mai se déroule dans la région la célèbre course cycliste, le Tour de la Mirabelle. Depuis sa création anciennement, le Tour de Lorraine, de nombreux jeunes cyclistes y sont révélés et sont aujourd'hui des professionnels, même très connus, comme Tadej Pogačar. Oh, Pogačar. Le Tour fait escale à Vendeuvre le 26 mai pour le départ de la 3e étape qui partiront à 13h. Le matin, de nombreuses animations seront présentées sur la place Simone Veil, parking des Nations. Il faut signaler que le Tour de la Mirabelle verra l'arrivée de la 2e étape à Villers-les-Nancy. En attendant, le Tour de France, voilà un bon moment en perspective. Allez, encore une petite info, Françoise. Encore deux. Ce vendredi, 20h30, aura lieu le spectacle Mesdames à la MGC Étoile de Vendeuve, avec la compagnie Ramdam. Un spectacle aussi pour enfants à partir de 10 ans. Nous sommes en 68. Et une troupe de comédiennes commence à revendiquer les nouveaux droits pour les femmes. Humour garantit un chouette moment en perspective. Voilà. Eh bien, merci François. C'était pas deux, c'était plus qu'une chronique. J'avais raison. Il est temps de passer à notre nouvelle seconde pause musicale. Alors, la seconde pause musicale. Le dernier album de Mark Knopfler, le célèbre guitariste du groupe Dire Straits, vient de sortir. En voici un extrait qui est aussi le titre de l'album. Fini les grands riffs et solos de guitare, Mark Knopfler aussi maintenant crée des chansons suite rock and blues. Le titre est One Deep River. One deep river, to the west, and your soul is heading to its rest. But your light will keep on burning like that evening star, and your song will keep returning wherever you are. Et voilà, après le dernier titre de Mark Knopfler, on va retrouver presque Mark Knopfler, c'est Alain, qui est le spécialiste en informatique, bien connu, qui va nous parler de petits trucs bien utiles et de solutions pour son téléphone. À toi, Alain. Petit truc, solution, téléphone. Comment économiser sa batterie de téléphone? De plus en plus, les batteries de téléphone portables sont énergivores. Et leur durée diminue. Pour éviter cela, voici un bon conseil. Il ne faut pas attendre que la batterie soit à zéro. Rechargez à partir de 30%. Idem, ne rechargez jamais votre batterie jusqu'à 100%, mais juste à 80% maximum. Dernier conseil, lorsque vous rechargez la batterie de votre téléphone, déconnectez vos applications en cours, Facebook, YouTube, les jeux, etc. et restreignez les autorisations de connexion pour que le téléphone se recharge plus vite. Oui, alors, encore un petit tuyau, c'est à toi. Pour mieux respecter votre vie privée sur Internet, il faut aller sur Paramètres, puis ouvrir connexion, aller sur plus de la paramètre de connexion et cliquer sur DNS privé, puis cliquer sur nom d'autre du fournisseur DNS. Là, écrivez. Alors, c'est adguard-dns.com. Cette manipulation vous enlèvera toutes les publicités et les trackers. Voici un bon tuyau. Un grand merci à notre spécialiste, Sébastien. Merci Alain pour ces bonnes chroniques. Ça y est, t'es la partie, le roi de l'informatique. Alors, cette fois-ci, maintenant, on va se retourner vers Khalidja. Khalidja, tu as une grosse manifestation à nous proposer qui a lieu très bientôt, au mois de mai, et qui est la fête des fraises à Maxéville. C'est à toi. Oui, aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un événement incontournable de la région de Mortier-Moselle, la fête des fraises à Maxéville. Cette année, les festivités auront lieu du jeudi 23 mai, puis du 31 mai au 2 juin, 2024, offrant aux habitants de Maxéville et aux visiteurs un week-end rempli de délices et d'animations. Au cœur de cette fête se trouve bien sûr la fraise locale, célébrée sous toutes ses formes, en tarte, en pâtisserie ou simplement dégustée fraîche. Les gourmands auront l'occasion de se régaler tout au long du week-end. Mais la fête des fraises ne se limite pas à la gastronomie, des activités familiales sont prévues, ainsi que des ateliers et des animations pour petits et grands. De plus, un marché des producteurs locaux permettra aux visiteurs de découvrir et d'acheter des produits régionaux de qualité. Les soirées seront également animées avec des concerts et des spectacles variés, de pop rock au spectacle, de feu et de pyrotechnique, il y aura pour tous les goûts. Enfin, ne manquez pas le vœu de grenier de dimanche 2 juin, une occasion idéale de dénicher des trésors tout en profitant de l'ambiance festive. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt fraise sur le gâteau, l'entrée à la fête est entièrement gratuite. Alors, n'hésitez pas à venir nombreux pour partager ce moment convivial et savoureux. Merci Khadija. Eh bien, la fin de l'émission s'approche, mais pas avant de faire notre célèbre jeu maintenant, les anniversaires des célébrités. Alors, ils ont révisé tout le mois. Oui. Nous allons pouvoir commencer. Vous allez essayer de trouver une célébrité qui est née durant ce mois de mai. Attention, vous êtes concentrés, vous êtes prêtes, vous êtes prêts, c'est parti. Notre première célébrité est née le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie. Il vient donc d'avoir 65 ans. Oui. Ses parents étaient enseignants. Il est cousin germain de l'humoriste Elie Semoun. La famille arrive en France en 1962. C'est le chanteur Jacques Brel, dont il est fan, qui lui inspirera plus tard son nom d'artiste. À 19 ans, il apparaît pour la première fois au cinéma dans un second rôle pour le film Coup de Sirocco d'Alexandre Arcadi. Il va tourner ensuite dans un épisode de l'Inspecteur Maigret avec Jean Richard. L'épisode d'ailleurs est tourné à Nancy. Il débute une carrière de chanteur avec un titre qui passe complètement inaperçu et qui s'appelait Vide. C'était vraiment vide. C'est en 84 qu'il va rencontrer un premier succès, grâce à Pascal Sevran, pour le titre « Marre de cette nana-là ». Il va enchaîner alors, jusqu'à aujourd'hui, une carrière entre la chanson, le cinéma et le théâtre. Si je vous dis, je te le dis quand même, cassez la voix, alors regarde, Place des grands hommes, chanson conçue pour une émission de Patrick Sabatier, vous allez tout de suite me dire, il s'agit de Patrick Bruel. J'en ai marre de cette nana là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câliné par ma. Célébrité est né le 4 mai 1944 à Amsterdam. Il vient donc d'avoir 80 ans. De son vrai nom, Wouter Otto Levenbach, il apprend à 14 ans à jouer de la guitare et du piano. Passionné de mer et de rivière, il quitte à 21 ans sa Hollande natale pour rejoindre par les canaux Marseille avec 1000 florins en poche, environ 500 euros aujourd'hui. Il parle le néerlandais, le français, l'allemand et l'italien. Il commence sa carrière en 1968 grâce à Eddie Barclay, qu'il a rencontré à Saint-Tropez. En 71, il participe à la comédie musicale Godspell, où il va rencontrer celui qui deviendra son meilleur ami, Daniel Auteuil. C'est en 74 qu'il va devenir célèbre avec son premier tube, qui est une reprise du groupe anglais des Wets, avec le titre Sugar Baby Love. Il devient un habitué des C'est tubes... Pas Dave. Oui, Dave, bravo Khadija. Allez, notre troisième célébrité, dont l'anniversaire est au mois de mai. Comme nous sommes en plein festival de Cannes, terminons notre jeu par une personnalité du cinéma, mais aussi de séries télé, et chanteuse même de temps en temps. Notre célébrité est née le 7 mai 1957 à Annecy, en Haute-Savoie. Elle vient donc d'avoir 67 ans. Elle débute dans une série télé à l'âge de 15 ans, intitulée Le jeune Fabre, de Cécile Aubry. et enchaîne ensuite séries et téléfilms. Le cinéma lui ouvre les portes en 78 grâce à Alain Delon dans le film Le Toubib. En 81, son visage devient connu dans toute la France grâce à une série devenue culte, Joël Mazard. Puis la suite avec Pause Café, qui donnera envie à des milliers de jeunes filles de devenir assistantes sociales. Elle devient même chanteuse dans un duo qui deviendra un tube avec Laurent Voulzy, Désir, Désir. Depuis, sa carrière ne s'arrêtera jamais entre films, téléfilms et quelques chansons. On lui souhaite un joyeux anniversaire à Véronique Jeannot. On en a fait des films et des tragédies divines. De cette situation, des rocks et du spleen. Notre émission des bons plans solidaires se termine. Merci à tous, merci Radija. Merci Lionel. Merci Alain. Merci Lionel et Radio Fadjet. Merci Françoise. On se retrouve donc le mois prochain, où ça, à Fadjet. Pourquoi va faire une nouvelle émission? À quelle heure? À 12h30, le vendredi. Et d'ici là, on espère que vous porterez bien, qu'il fera beau, qu'on va profiter de l'extérieur et bien se balader. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. We'll be right back.